Le pasteur de Marston par Marie-Elisabeth Braddon. Chapitre 1er. La petite ville de Marston, en Angleterre, est presque inconnue. Située au milieu d'un pays stérile, elle doit sa prospérité matérielle à une manufacture de machines agricoles. Lorsqu'on y arrive par le chemin de fer, on distingue les hautes cheminées fumantes de cette fabrique qui, de loin, se détache sur un paysage plat et monotone. Marston n'est pas une belle ville, avouons-le franchement, encore moins une ville importante. Elle consiste en une longue rue, très propre, bordée de maisons uniformes. Les boutiques sont bien approvisionnées, mais il est évident que ces boutiques tirent seulement vanité de leur solidité et méprisent profondément le luxe des glaces, des dorures et des becs de gaz qui, partout ailleurs, servent à attirer le chaland. Marston est une ville respectable et le respectable ne recherche jamais le beau. Le respectable dans une ville est toujours représenté par des maisons carrées, en briques rouges ou en pierre sombre. Les hautes portes-fenêtres ouvrant sur une pelouse verte, les vérandas, les jalousies n'entrent pas dans le genre respectable. À Marston, le respectable régnait dans toute sa puissance. L'architecture y était absolument solide, entièrement carrée. Il y avait bien derrière la grande rue quelques ruelles étroites, où se trouvaient de vieux toits qui s'inclinaient brusquement au-dessus de petites croisées. Il y avait là aussi des pignons dont les tuiles étaient couvertes de mousse, mais ces bâtisses de bois et de plâtre n'avaient point l'air de faire partie de Marston. D'ailleurs, aucun personnage respectable n'y habitait. Des ouvriers logeaient là-dedans, des ouvriers sans aucun goût qui ornaient leurs fenêtres de fleurs communes et qui accrochaient au dehors de légères cages d'osier dont les hôtes chantaient du matin au soir. Ces ouvriers de Marston, après leur journée finie, aimaient à fumer leur pipe en manches de chemise debout sur le seuil de leur maison. Et le dimanche, sans souci du respectable, on les voyait aller et venir de chez eux au cabaret, le pot de bière à la main. Pauvres gens, en vérité, quelque chose comme des lépreux que les Marstoniens méprisaient fort. Un poète anglais du Moyen-Âge a dit qu'il y avait 20 chemins différents pour aller au ciel. Mais à Marston, une seule route conduisait au paradis, l'intolérance. Les habitants étaient en effet pour la plupart des dissidents de l'église anglicane. À l'un des bouts de la grande rue, la vieille église, relique de l'architecture gothique, était l'unique édifice de Marston qui put avoir quelques prétentions à la beauté ou aux souvenirs historiques. Trop petite jadis, elle devenait trop vaste à présent. Le ministre anglican, honnête vieillard, indulgent, aimable, un peu paresseux, et ne faisant point fi de la bonne chère, donnait aux pauvres la moitié de ses émoluments, leur remettant même parfois une bouteille d'un vieux vin de Porto acheté à la vente d'un évêque défunt. Les dissidents n'approuvaient pas cette conduite. Soulager la pauvreté, disaient les respectables de Marston, c'était contrarier les desseins de la Providence. Donner du vin de Porto n'était-ce pas encourager l'ivrognerie? De cette désapprobation, il résulta qu'au détriment de la vieille église abandonnée, deux chapelles furent respectablement construites et se remplirent de fidèles dont le dimanche on entendait les chants poussés avec une vigueur et une énergie prouvant l'ardente conviction des dévots. Dans la plus laide de ces chapelles, un homme s'était acquis une réputation très avantageuse pour lui et qui croissait chaque jour. Deux îles étaient venues s'établir à Marston en qualité de maître d'école il y avait déjà 5 ans. Sans recommandation, sans que l'on sût rien de son existence antérieure. Il s'était installé dans cette petite ville, et peu d'hommes auraient réussi dans cette entreprise difficile. Un journal avait appris à deux îles qu'une place de maître d'école était vacante à Marston. Il se présenta et fut repoussé parce qu'il ne fournit pas les renseignements suffisants pour justifier de son caractère d'honorabilité. La place fut accordée à un grand et lourd provincial, sachant à peine lire et écrire, mais appuyé par les dissidents d'un village voisin et possesseur de 2 énormes malles remplies de hardes. Lorsque Deuxil aperçut celui qui lui était préféré, sa lèvre se contracta avec mépris, mais il ne donna aucun autre signe de mauvaise humeur et ne quitta pas Marston. Il prit logement chez une vieille veuve ayant la réputation d'être la plus fidèle des fidèles, et sans paraître penser aux habitants de la petite ville, ni à ce qui se passait hors de sa chambre, il se mit à compulser les livres théologiques ainsi qu'à étudier les saintes écritures. Comme il ne s'occupait pas des autres, on s'occupa de lui, c'est la loi. Tous ses agissements furent surveillés avec un certain intérêt. Il était pauvre et ne s'en cachait pas, vivant en ermite. Son habit était râpé, mais c'était un habit noir. Son linge usé était toujours propre. Ses cheveux un peu longs, tombant sur le col de son habit, lui donnaient un air béat. Son teint pâle, ses yeux d'un gris terne, ses traits réguliers plaisaient aux habitants de Marston. Le médecin favori des dissidents parlait de la lumière qu'il avait vue pendant la nuit à la fenêtre de l'étranger. La veuve aussi causait beaucoup des habitudes de son locataire. Il était si doux, si aimable, il avait si grand peur de la déranger, et puis il mangeait si peu, ne buvait que de l'eau. En résumé, c'était un locataire idéal. « Hélas, disait la vieille femme, ils songent à me quitter. Il a besoin de trouver une place. Jamais je ne rencontrerai un locataire aussi respectable. » Respectable, ce mot était un talisman à Marston. Ajoutez à cela que le nouveau maître d'école se montrait tout à fait incapable d'exercer ses fonctions et que les enfants se moquaient de lui. Un jour, M. Elijah Brandron, le ministre de la chapelle dont dépendait l'école, se présenta chez Dezil et lui fit subir une sorte d'examen. Dezil fut modeste, tout en laissant voir sa science. Le ministre fut persuadé qu'il avait découvert un trésor en cet homme, qui ne demandait que 40 livres par an pour prodiguer l'instruction aux marmots de Marston. Après avoir reconduit le pasteur, Dezil souriait doucement. Il avait compris combien il serait facile de mener cette faible intelligence, à condition de la flatter toujours, sans la contredire jamais. À partir de ce moment, Dezil avait atteint son but. Les écoliers qui se moquaient du provincial devinrent doux pour ce maître, dont l'impassible froideur leur inspirait la crainte. Ils firent des progrès, ce qui enchanta les patrons de la petite école. Vers la fin de la seconde année du séjour de Dezil à Marston, le pasteur de la chapelle dissidente commença une série de discours en faveur des missions destinées à convertir les sauvages de l'île de l'Océanie. Dezil montra un grand enthousiasme pour ses missions pieuses. Mais les cœurs de Marston étaient froids pour ces malheureux périssant au loin, privés de toute lumière. La dernière quête n'avait rien produit. M. Brandron proposa à Dezil d'essayer par son éloquence passionnée de réchauffer le zèle des habitants de Marston. Dezil résista d'abord. Il n'oserait élever la voix dans un lieu sacré, où son ami, son bienfaiteur, avait l'habitude de se faire entendre. « Si, disait-il au pasteur, vous n'avez pu impressionner ces cœurs endurcis, comment voulez-vous que j'aie l'espérance d'illuminer l'âme de vos paroissiens ?» Après une longue et flatteuse discussion pour le vieil Elijah Brandron, le maître d'école cependant se laissa vaincre et le lendemain même de cet entretien, devant les dissidents de Marston, assemblés dans la salle de l'école, introduit par le ministre, Dezil monta sur la plateforme. Après un début modeste, soudain l'orateur s'enflamma. Ce fut le succès de Bossuet à l'hôtel de Rambouillet. Le lendemain, à Marston, il n'était question que du nouveau prédicateur, bien au-dessus de tout ce que l'on avait entendu jusqu'alors. À dater de ce jour, Dezil devint le successeur désigné du vieux ministre. Pour épargner à M. Brandron les fatigues d'un second service, le maître d'école prêcha tous les dimanches soirs. À son égard, les jeunes demoiselles de Marston n'avaient qu'une opinion, c'était un inspiré. Il y avait 2 ans que Dezil avait prononcé son premier discours lorsque M. Brandron mourut. 3 jours après le décès, le successeur fut nommé. Ce ne pouvait être que le maître d'école. L'étranger avait donc réalisé ses plus chers désirs. Son ambition était satisfaite. Les émoluments du pasteur n'étaient pas très considérables, mais les fidèles avaient l'habitude de lui faire des cadeaux. Un homme prudent, après quelques années d'exercice, pouvait se créer une position très aisée. Il y avait encore un autre moyen de faire fortune, le mariage. Le mariage est en effet souvent une affaire très avantageuse. Et à l'époque où commence cette histoire, on discutait à Marston les probabilités d'un mariage entre le nouveau pasteur des dissidents et la plus riche de ses ouailles. Pour comprendre les motifs sérieux de bavarder qu'avaient les commères de Marston, il faut savoir ce qu'était cette jeune fille, orpheline et unique héritière d'un épicier qui avait amassé une fortune à Marston.